por mí que nadie los perdone. Picaron el país en dos, de paso son ladrones. Si por un día fuera como estos jampones, yo les tumbo los relojes, carros, aviones. Par de mansiones, yo no tengo casa. Tendremos que expropiarle una al mismo Jorge Arriaza. ¿Quién se desplaza en lancha pa' pasear al yaqui? Aristóbulo, tuvimos que tomar prestado tu yate. El turno al bate pa' el Judy Mael García. Un santa talanquera que tiene cara de hipocresía. ¿Cuánto cobraste? Porque la mitad es mía. Y no se me haga el loco que aquí falta un audio todavía. Allá va Elías, tiene de apellido Howard. Mueve más billetes que la misma planta de Yagua. Esto es un quieto papa, usted ni pan ni agua. No tenemos luz y ustedes se la dan a Nicaragua. Necesitamos que vuelva Aurelio Valdor junto con Pitágoras pa' calcular tanto valor. La Casio dice error con la cuenta de ellos. Rafael Ramírez y por supuesto Diosdado Cabello. Me llevo el Bentley, necesito una gandola pa' sacar la caja fuerte y par de cajas de amapola. A ustedes sí los quiero ver pelando bolas y repartir sus piernas a la gente que está haciendo la cola. Disfrutar de esta cola sabrosa para el vivir viviendo. Esa guerra económica está en desarrollo. La vivienda, yo quería construir 500.000 viviendas el próximo año. Yo ahorita le estoy dudando. Pero no porque no pueda construirlo, yo puedo construirlo. Pero te pedí tu apoyo y no me lo diste. Perdona al gobierno, señor. Perdona el abuso, perdónale, señor. Perdona al corrupto, señor. Perdónalo tú, si no lo perdono yo. Precio que nos pagan por la juventud, por los caídos y los que se fueron a su salud. Al terminar con ellos sigo con la muca y más del mismo pozo. Esta misión se llama Robin Hood. Sin que me vean, le gay a Jesse Chacón y a Rafa y Sea, pa' sacarle lo que sea antes que intervenga la DEA y los Rodríguez. Jorge y Ali en mi lista, los que siguen, y Nelson Merenta, el mismo que la Lomna lo persigue. Sigue con la transferencia y era demasiada plata, la guardaban en Andorra, justificación pirata. Gente ingrata, del barro nadie sacará sus patas y quedarán en el olvido en las cloacas como una rata. Ya tengo el botín, dinero, camionetas, morocotas. La mitad será para el pueblo y la otra para el TCJ. Porque no tienen pelotas, necesitarán sus botas para meterle cani y por un día al menos ser patriota. Soy opositor de Lampa, la escasez de tanta envidia. Estoy opuesto a la política que divide familias. Que se hable más del narco sobrino que tiene Cili. Nuestros niños mueren en hospitales por la desidia. Señalaron a Rosales por bruto y hay evidencia. Pero la escasez más dura es Maduro y su inteligencia. Son tan mal gobierno que los adecos tienen vigencia y solo se mantienen por fuerzas armadas sin conciencia. Fijamos posición, socialista, revolucionario, chavistas. Si Diosdado toma PDVSA, nos terminamos de joder. Estamos metidos en un mar de mierda, compadre. Todavía no nos hemos dado cuenta. Perdona al gobierno, señor. Perdona el abuso, perdónale, señor. Perdona al corrupto, señor. Perdónalo tú, si no lo perdono yo. La crisis es revolucionaria. No nos vamos a devaluar, no está planteado, no lo vamos a hacer. No solamente hay hechos de corrupción en la administración pública. A esta revolución le hacen falta por lo menos 50 años más de gobierno. Desgraciado, de esta mierda se va, que Venezuela es de nosotros, los venezolanos. Ok, donc voilà, nous sommes le mercredi 25 septembre. Tout à l'heure, il y aura une autre émission avec les lapins électriques, mais j'enregistre une interview avec Samuel, qui est un anarchiste d'origine vénézuélienne et qui est de passage en Belgique. Et donc, il va nous raconter un peu en dehors des discours traditionnels, soit fidèle au régime, soit fidèle aux grandes corporations internationales, ce qui se passe vraiment dans les quartiers, dans le pays, ce que pensent les Vénézuéliens, qui sont un peu abandonnés et par les soi-disant de gauche et par les soi-disant de droite. Samuel, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours, enfin qui tu es? Tu es vénézuélien, mais tu parles très très bien français. Bon, j'essaye. Bon Hans, d'abord, merci beaucoup pour m'accorder cette interview. C'est super qu'on puisse se retrouver, même si c'est un petit peu par hasard. Et puis bon, j'espère que je serai à la hauteur de ce moment d'échange, disons, et que je serai un petit peu à la hauteur de ton expectative et de votre public. Donc voilà, en fait, pour faire court, disons. Moi, je suis franco-vénézuélien, je suis graphiste, artiste plasticien. Je suis, par les hasards de la vie, à cheval entre la France et le Venezuela. Je suis né au Venezuela et comme graphiste, j'ai toujours milité depuis très jeune dans les différentes luttes sociales, populaires, aussi bien en France qu'au Venezuela, surtout dans les quartiers populaires, disons. Ouais. Que ça soit dans la banlieue parisienne, à partir de... en réalisant des ateliers de rue d'art plastique avec des jeunes, des adolescents de banlieue, que dans les quartiers populaires à Caracas spécifiquement, mais aussi dans quelques autres villes, grosses villes du Venezuela, des ateliers de rue avec les gamins des secteurs populaires de Caracas ou, comme je l'ai dit, d'autres villes, non, mais enfin surtout Caracas. Donc effectivement, à partir de 1997-98, avec la campagne électorale du commandante Chavez, comme on l'appelait, ouais. Et donc ensuite du président Chavez, puisqu'il a été élu en 98, ben, j'ai fait partie, comme des millions de Vénézuéliens, j'ai fait partie de ce processus constituant, révolutionnaire, bolivarien, qui a été connu comme la révolution bolivarienne, en transition vers le socialisme du 21e siècle. Donc voilà, c'est un petit peu pour reconstituer le contexte. En tant que plasticien et militant, j'ai donc surtout développé les outils culturels, surtout des arts plastiques, comme je l'ai déjà dit, avec les jeunes, les habitants de quartier. Et en favorisant la formation de toute une série de structures associatives et d'autres organisations populaires. Donc à partir des années 2009, on peut dire, ça s'est traduit par les conseils communaux. Avant, c'était les comités de terre qui ont été super importants dans les années 2002-2003. Déjà à la fin des années 90, ben il y avait surtout dans toutes les années 90, en fait, il y a eu énormément d'expériences d'auto-organisation populaire. Il y a eu par exemple une initiative assez importante qui a été connue comme l'Assemblée des Barrios, l'Assemblée des Barrios en 91, il me semble. Et donc il y a eu un mouvement populaire assez important, les collectifs sociaux à l'époque. Qui ont, disons, préparé un peu tout le terrain qui a ensuite amené, disons, la victoire de Chavez au pouvoir, non ? Et bon, évidemment, tous ces collectifs de travail, travail social, travail culturel, travail politique, ont à leur tour été, favorisés, très favorisés, disons, par le nouveau régime en place, non ? Ouais. Il y a eu donc des lois qui ont été décrétées, la loi sur les terres, la loi sur les hydrocarbures, la loi sur la pêche, ensuite la loi sur les conseils communaux, etc., etc. Et donc c'est un peu dans tout ce contexte que j'ai, disons, un petit peu travaillé et construit ce militantisme de base et communal. Ouais, non ouais. Donc voilà, c'est un peu... Donc, en gros, il y a peut-être des décennies, un ou deux décennies d'auto-organisation populaire qui organise ses propres institutions, ses assemblées, des choses comme ça. Et puis, par après, il y a un processus politique plus de parti. Tout à fait. Ou d'État. Tout à fait. En fait, qui essaye d'institutionnaliser en fait ce qui existait déjà. Voilà, tout à fait. Disons que ça a été précisément, c'est une raison pour laquelle on peut dire le processus bolivarien, ou enfin ce processus, pour pas employer une étiquette, Mais en tout cas, ce processus de transformation au Venezuela, tout d'un coup a basculé, moi je dirais, dans les années 2007, à partir du moment où s'est créé le Parti Socialiste Unifié du Venezuela. Il y a eu vraiment un processus de bureaucratisation. Les mouvements sociaux ont été complètement subordonnés, disons, par le parti officiel. Et le mouvement social et populaire s'est laissé domestiquer par le gouvernement et entrer dans les catégories de l'État. Mmh. Et donc, il y a vraiment un processus qui, à partir des années 2007-2010, est vraiment entré dans un processus de, on peut dire, de décomposition ou au moins de bureaucratisation, de domestication, jusqu'à arriver aujourd'hui presque à l'année 2020 dans un franc processus, disons, de décomposition sociale, morale, politique, économique, enfin une dérive absolument inouïe de ce qui est, disons, un processus de transformation. Ça se traduit par un total, enfin une subordination de certains mouvements sociaux aux ordres du parti, une militarisation de la vie sociale dans les quartiers, surtout populaires, une répression terrible, une censure, une persécution, une persécution surtout des leaders sociaux qui sont pas d'accord, disons, avec le régime en place, etc., etc. Donc c'est vrai qu'on peut dire, dans les dernières 10 années, ce processus un peu d'explosion, de libération, ou enfin au moins d'organisation populaire, s'est complètement écarté un peu des principes originaux pour tomber dans son contraire, en fait. Hein. Donc, bon, évidemment, ça correspond aussi à un processus politique, économique, qui explique toute la crise dans laquelle a naufragé, disons, le Venezuela, non ? Une crise politique, une crise économique surtout. Oui. C'est vraiment, actuellement, c'est vraiment une crise profonde qui soumet le peuple à des conditions quotidiennes très très dures, quoi. Et ça, je me pose la question, en fait. Aujourd'hui, avec la situation économique catastrophique dans le pays, au moment même qu'une organisation populaire est le plus nécessaire, en fait, déjà pour arriver à faire manger les gens, pour organiser certains services, puisque ça ne fonctionne plus dans le pays. Quand tout ça a commencé, quelle était la situation économique dans les années 90, les années 90, là où le terrain a été préparé, quelles étaient les conditions sociales et économiques à ce moment-là? Est-ce que ça allait mieux que maintenant ou c'était pire? Ben oui, certainement, les conditions de vie du peuple étaient bien meilleures que 10 ou 20 ans après. C'est-à-dire, il y a une situation dans les années 98, surtout 97-98, qui ont mené le chavisme au pouvoir, qui était pour le moment inconcevable, et qui ont appauvri le peuple, qui ont signifié une inflation terrible, un endettement du pays, des formules néolibérales classiques, appauvrissement, pauvreté extrême, etc., etc. Mais malheureusement, ce n'est que l'ombre de ce qu'on peut trouver actuellement. C'est-à-dire, 10 ans après ou 15 ans après, on est 1000 fois pire, quoi. Alors après, il faut effectivement voir qu'est-ce qui est arrivé. Mais en gros, ce qui est arrivé, c'est que on assiste, disons, à l'épuisement du modèle capitaliste rentiste pétrolier. C'est-à-dire, pourquoi on en est arrivé à la crise économique actuelle qui a éclaté dans les années 2012-2013, c'est-à-dire à la mort de Chavez? C'est pas parce que Chavez, il est mort, enfin, ça, c'est un leurre. C'est parce qu'il y a eu, premièrement, une crise, une chute des prix pétroliers sur le marché international, qui a effectivement été néfaste pour le Venezuela et pour tous les pays pétroliers, hein, pas seulement le Venezuela, Mais la caractéristique du Venezuela, c'est que devant la hausse phénoménale des prix du pétrole dans les années 2000, le gouvernement bolivarien n'a fait absolument aucune économie, a dilapidé toute la fortune, toutes les quantités colossales d'argent qui sont rentrées dans le pays. Il y a une fugue des capitaux absolument hallucinante et le pays, surtout, ne s'est absolument pas développé. Donc il n'y a pas eu d'industrie développée, il n'y a pas eu d'industrialisation, il n'y a pas eu d'agriculture, il n'y a pas eu de services développés, il n'y a pas eu de technologie, il n'y a pas eu de formation. Enfin, ça a été tout simplement une décennie perdue. Donc, résultat des courses, pas d'économie, la chute des prix du pétrole, aucune industrie de transformation, aucune alternative économique. Ben forcément, dans ces conditions, c'était facile d'imaginer qu'avec la chute des prix pétroliers, ben on allait tomber dans le gouffre. Et c'est effectivement ce qui est arrivé. On est vraiment dans le gouffre. Un pays qui ne produit absolument plus rien, qui est dépendant à 100% des importations, qui est obligé d'importer même le maïs qui est la base de l'aliment des Vénézuéliens, qui a tout un réseau d'industries nationalisées par le gouvernement qui ont été pillées par le gouvernement lui-même, et donc une monnaie qui ne vaut plus rien, une économie complètement schizophrénique, qui maintient les salaires en bolivar, donc des salaires de misère qui représentent 2,50 dollars par mois. Enfin, c'est absolument scandaleux. Et en attendant, toute l'économie et les échanges commerciaux se fait en dollars. Forcément que le peuple, premièrement, il vit très très mal. Enfin, tu as par exemple la réapparition de maladies qui avaient disparu depuis des décennies. Mmh. Tu as des millions de jeunes surtout qui prennent les routes pour fuir le pays, oui, et se réfugier dans des conditions pas possibles et absolument misérables au Pérou, en Équateur, en Colombie, enfin bref. Et évidemment, disons un mécontentement et un rejet, disons, des autorités par une grande partie du peuple. Donc voilà quoi. C'est un petit peu bon. C'est évidemment qu'il y aurait plein de choses à dire, mais c'est un petit peu, disons, comment expliquer la situation des années 90 et comment expliquer la chute encore plus vertigineuse du Venezuela dans cette crise qui n'est que la crise du modèle rentiste pétrolier qui lui-même est le modèle dominant du capitalisme international, quoi. Ouais, ouais. Et on a par exemple, pour terminer sur ce point qui est super important, actuellement, un des projets ou le projet le plus, critiqué par une partie de la population et surtout des forces de gauche non gouvernementales, c'est le grand projet de l'arc minier de l'Orénoque, el arco minero de l'Orénoque, qui représente, ou enfin qui se déploie sur 11% du territoire national. En grande partie l'Amazonie, une partie de l'Amazonie. Donc c'est un projet colossal, immense, et qui représente un pillage de nos ressources naturelles par les grandes transnationales avec l'accord et la complicité des autorités vénézuéliennes. Donc, plus rentiste, plus capitaliste et plus extractiviste, c'est impossible. Donc quand on parle de processus socialiste, de socialisme du 21e siècle, de transition au socialisme, bon, c'est absolument absurde. Donc, ça, c'est un discours qu'on ne peut pas croire. C'est tout au contraire un réaménagement, de la géométrie et de la géopolitique planétaire et de ces géostratégies qui voient les pays du Sud de plus en plus pillés par les pays du Nord et donc de nos ressources naturelles qui sont tout simplement vendues à prix à des prix très bas aux pays industrialisés. Donc le coltan, par exemple, le coltan, ça sert toute la partie des technologies, l'informatique, etc., les portables, tout ça. Bon, on est en train de vendre des sommes colossales de coltan et d'or à toutes ces multinationales et évidemment à l'Occident, aux Chinois, aux Russes, aux Nord-Américains, aux Européens, etc., etc. Et donc le gouvernement vénézuélien ne s'en cache absolument pas, il s'en vante. Et donc, comment est-ce qu'on peut parler dans ce cas-ci d'un processus, disons, socialiste ou de libération ou de souveraineté? C'est une totale contradiction. Oui. Bah, ici, en Europe, en Belgique, on entend surtout parler de Venezuela, bien sûr, quand ça va mal. Et oui, bah c'est on sûr. On a beaucoup entendu parler des élections et de tous les problèmes, les manifestations organisées par l'opposition, organisées par le pro-gouvernement. Tout à fait. Donc, qu'est-ce qu'il en est de l'opposition politique au Venezuela? Est-ce que... Voilà, c'est qui? Ben, ça, c'est une question fondamentale, je dirais, et qui mérite une réponse... une réponse qui aille en dehors un peu de la polarisation à laquelle veulent nous soumettre aussi bien les forces de la gauche, entre guillemets, que de la droite, aussi bien à l'intérieur du Venezuela qu'à l'extérieur. C'est-à-dire, tu vois, par exemple, sur les grands médias internationaux, contrôlés évidemment par les grandes chaînes de communication internationales, occidentales, qui montre le Venezuela comme appartenant à l'axe du mal, au pays arriéré, antidémocratique, etc., etc., dans une perspective, dans une seule perspective, disons, de continuer, disons, à couvrir la planète de cette seule idéologie, le néolibéralisme, les finances, etc., etc., ce qu'on connaît, d'accord. Et d'un autre côté, ben, la gauche internationale, bon, la soi-disant gauche internationale, vendre le modèle vénézuélien comme la panacée, comme l'alternative, comme, disons, l'utopie devenue réalité, etc., etc., alors que ce n'est pas du tout le cas. Alors si on reste dans cette dichotomie ou dans cette polarisation, c'est sûr qu'on on va jamais comprendre ce qui est en train d'arriver. Et ce qui est en train d'arriver, c'est tout simplement la dispute des ressources naturelles du Venezuela par deux forces qui sont en présence. Donc à l'intérieur, cette opposition de droite pro-nord-américaine et la gauche, entre guillemets, au gouvernement, appuyée par la Chine et la Russie. Qu'est-ce qu'ils veulent les deux? Bon, bah, c'est simplement perpétuer le modèle rentiste pétrolier pour continuer à piller les ressources naturelles. Alors, si on veut comprendre le Venezuela, bah, forcément bah, qu'il faut sortir de cette polarisation. C'est pas parce que tu critiques les États-Unis que tu vas nécessairement adopter le point de vue du gouvernement vénézuélien. Oui, bien sûr. Et si tu critiques le gouvernement vénézuélien, c'est pas pour autant que tu embrasses la cause de Trump et des pays du groupe de Lima, par exemple. Et c'est vraiment la position de millions de Vénézuéliens qui actuellement en ont marre de cette politique politicienne qui ne résout absolument pas la crise terrible que souffrent les Vénézuéliens. Et voilà, quoi. Donc il faut vraiment, disons, aller au-delà et essayer par tous les moyens de créer ou enfin d'impulser, je ne sais pas comment on pourrait, c'est très difficile, disons, une alternative qui ne soit pas celle ni de la gauche autoritaire ni de la droite transnationale. Ouais. Et donc c'est un peu tout le défi, disons, de beaucoup de forces politiques au Venezuela actuellement. Oh shit, there we go again. How you doing, Mr. Officer? Say what? Yeah, I got the passport here. What happened? Wait. Hold up. Where you taking me? Are you serious? Are you fucking serious? Yo,

Il y a qu'à voir les chiffres électoraux. Enfin, le chiffre d'abstention, c'est un truc historique, hallucinant, quoi. Il y a plus de 50% d'abstention aux dernières élections présidentielles. Ça s'est jamais vu ni au Venezuela ni dans toute l'Amérique latine. Alors, les tenants de la gauche traditionnelle disent qu'en Europe, les présidents sont élus avec beaucoup de d'abstention. Bon, premièrement, c'est pas un point de référence. Si justement on critique le modèle bourgeois représentatif. Et deuxièmement, c'est quand même pas glorieux pour un président qui se dit socialiste d'être élu qu'avec le 20 ou le 25% de la population électorale. Ouais. Mais en tout cas, bon, effectivement, il y a un rejet des partis politiques et de la classe politique vénézuélienne en général par la population, surtout par les couches les plus défavorisées. Donc, cette condition objective, disons qu'elle favoriserait d'une certaine manière la naissance d'une alternative politique qui, on pourrait dire, existe d'une manière très embryonnaire. Le problème, c'est que cette alternative, qui est une alternative de gauche, on pourrait dire, forcément, ça ne va pas être une alternative de droite, étant donné que l'alternative de droite, elle est appuyée par tous les gouvernements occidentaux, etc., les États-Unis, tout ce qu'on connaît. Cette alternative de gauche, elle est très durement réprimée par le régime en place, puisque c'est connu dans tous les régimes, disons autoritaires, avec une certaine connotation de gauche. La dissidence, elle est beaucoup plus réprimée même que l'opposition de droite. Hein. Oui, oui. Premièrement parce qu'elle est plus faible, et deuxièmement parce que c'est insupportable pour une gauche autoritaire d'avoir une dissidence. Non. Donc ça veut dire des leaders de partis politiques emprisonnés, ça veut dire des partis de gauche illégalisés ou tout simplement bannis du scénario électoral ou politique. Ça veut dire des leaders syndicaux qui sont poursuivis ou en prison avec des procès effectués devant des tribunaux militaires. Ça veut dire des répressions pendant les manifestations. Pratiquement, les mobilisations sont très difficiles à mener parce qu'elles sont tout de suite réprimées par la police ou par l'armée. Ouais. Ça veut dire l'action complètement arbitraire et, disons, disproportionnée aussi bien de la police nationale bolivarienne que des groupes paramilitaires, parce que ça, c'est une réalité que ne veulent pas reconnaître ni le gouvernement ni la gauche internationale. Il y a un paramilitarisme contrôlé par le gouvernement actuel et qui est, je dirais, un des deux facteurs les plus craints, disons, par la population, puisqu'ils ont vraiment, comme tout corps paramilitaire, ils ont un chèque en blanc pour agir de manière en toute impunité. Donc ça veut dire que quand il y a des mobilisations dans les quartiers pour protester par la mauvaise qualité des services, ou alors pour X raisons, des travailleurs, des syndicats qui se mobilisent, immédiatement le gouvernement mobilise l'armée ou la police nationale, et en parallèle, donc les soi-disant collectifs, parce qu'ils sont appelés comme ça, leurs collectivos, qui utilisent des armes létales contre la population civile. Donc ça explique par exemple, entre autres choses, qu'on en ait à peu près, selon les chiffres officiels reconnus par le gouvernement lui-même, 18 000 exécutions extrajudiciaires en 4 ans. Donc c'est quand même des chiffres absolument ahurissants, quoi. Ça fait 4 500 à peu près exécutions extrajudiciaires tous les ans dans les dernières 4 années. Donc c'est quand même des chiffres absolument intolérables, quoi. Et qui sont les collectivos? Alors disons que c'est en général des personnes qui viennent des collectifs sociaux qui ont opéré dans les quartiers populaires dans les années 90. Il y en a qui sont historiquement très connus et qui ont complètement bifurqué vers une chose qui n'a plus rien à voir avec le travail social. Donc, au milieu des années 2000, ils ont commencé à être complètement subordonnés à certaines instances du gouvernement. Ils ont été bureaucratisés, ils ont été infiltrés, ils ont été armés directement par certains hauts fonctionnaires de l'État. Et actuellement, ils se sont transformés tout simplement en bandes paramilitaires qui agissent à la solde du gouvernement. Donc ça se traduit sur le terrain, par exemple, quand il y a des manifestations de travailleurs, d'ouvriers ou de personnes du quartier populaire. La police, elle agit plus ou moins violemment, et quand elle agit pas, elle envoie les collectifs, donc soit cagoulés, soit camouflés, etc., pour en premier lieu donner des tirs en l'air pour un peu effrayer les personnes qui sont en train de se mobiliser, ou alors tirer directement dans la foule. Donc c'est quand même pas c'est quand même assez intimidant, disons, non, c'est dissuasif quand tu sais que il y a soit la police, soit les collectifs qui vont te tirer dessus, ben ça en dissuade plus d'un pour aller manifester ou pour protester contre X situation. Donc on vit vraiment, disons, un État ou enfin un gouvernement qui a des politiques terroristes de manière systématique et de plus en plus marquées, ce qui est quand même assez grave. Donc ça, par exemple, c'est une réalité qui n'est jamais dénoncée et qui est quand même très très grave. La situation des droits de l'homme au Venezuela actuellement, c'est catastrophique, quoi. Sans parler des tortures, sans parler des disparitions, sans parler des massacres, qui, comme par hasard, touchent à 100% les couches populaires. C'est-à-dire, qui est-ce qui remplit les chiffres, les statistiques des morts violentes aux mains de la police? C'est toujours les jeunes des quartiers. Mm-hmm. C'est à 100%. Donc on est vraiment dans la logique de la lutte des classes. C'est toujours les pauvres qui payent les pots cassés et qui sont l'objet de la répression des couches les plus puissantes, disons. D'accord? Et en l'occurrence ici de la classe politique au pouvoir. Oui, oui. Mais je me demande quand même, puisqu'il y a eu toutes les années d'auto-organisation, de mise en place de comités, de projets de conseil communal, etc., il y a quand même beaucoup d'expérience sociale ou expérience d'organisation qui a été construite tout à fait dans le temps, et des gens qui ont appris énormément de comment s'organiser. Donc il doit y avoir quand même des initiatives ou des tentatives de malgré tout de faire des choses. Alors qu'est-ce qu'on essaye de faire? Mais justement, ça a été un peu le grave péché, disons, du processus bolivarien, dans lequel aussi bien les partis officiels que le mouvement populaire a commis, c'est-à-dire on retrouve ça dans la plupart des processus dits socialistes ou dits de libération nationale, c'est que les mouvements populaires ont été complètement bureaucratisés et se sont subordonnés complètement aux lignes de l'État, ou au moins des gouvernements. Et ce processus, disons, de subordination, il a signifié un démembrement, une désarticulation du mouvement social. Au lieu de se consolider, il s'est bureaucratisé, donc les leaders sociaux sont devenus des fonctionnaires de l'État, et évidemment, cette condition, elle a fait que ce mouvement populaire s'est complètement dénaturé, disons, il a perdu vraiment toute son essence. Ça veut dire concrètement, par rapport aux conseils communaux, que les principales figures qui ont fait naître les conseils communaux, ils sont devenus des fonctionnaires de l'État, donc ils répondaient à des directrices du parti, il fallait faire ce que disait le parti dans les quartiers, on ne peut pas critiquer parce que ça entacherait, disons, le rôle du parti dans le quartier, etc., etc. C'est vraiment le modèle cubain qu'on a suivi, c'est-à-dire cette subordination des comités de défense de la révolution aux lignes du Parti communiste cubain. C'est exactement le modèle qu'on a suivi. Mmh. Évidemment, ça a été fatal. Je veux dire, au lieu de multiplier et de faire exploser, au bon sens du terme, le mouvement populaire, ça l'a complètement tué, quoi. Donc à l'heure actuelle, on a un mouvement social ou un mouvement populaire qui n'en est pas un, c'est-à-dire par exemple les conseils communaux, maintenant ils sont pratiquement des conseils communaux de façade ou de papier, quoi. Ils n'ont plus aucun rôle. Et le nouveau régime en place, le nouveau régime, je dis le président Maduro et le Parti Socialiste officiel, ils ont créé par-dessus les conseils communaux, par exemple, ou les communes, des nouvelles structures, cette fois ouvertement autoritaires ou ouvertement partisanes, qui n'ont plus rien à voir avec l'organisation populaire autonome, et donc qui, vraiment de manière caricaturale, n'obéissent que aux lignes du parti, quoi. Au moins avant, avec les conseils communaux, il y avait un petit peu un maquillage. Bon, d'accord, oui, le pouvoir, la démocratie participative, autonome, directe, etc. L'assemblée de citoyens, enfin, il y avait encore un petit peu, disons, des éléments qui pouvaient auxquels on pouvait avoir recours pour défendre encore une démocratie constituante. Actuellement, pas du tout. C'est vraiment le parti qui, ouvertement, contrôle absolument toutes les strates de la société. En particulier, les CLAP, qui sont les comités locaux d'approvisionnement et de production, qui sont complètement contrôlés par le parti. C'est eux qui décident de tout ce qui arrive dans les quartiers. Au-dessus des conseils communaux, au-dessus des comités de terre, au-dessus des associations de quartier, au-dessus de tout, quoi. C'est eux qui vraiment mènent la barque, qui décident, c'est eux qui distribuent les aliments, c'est eux qui décident des services de gaz, d'électricité, etc., etc. Donc c'est vraiment une mainmise du parti, un contrôle du parti sur tout, quoi, sur toute la vie publique. Ouais, ouais. Et ça, évidemment, premièrement, c'est une tergiversation totale de l'esprit constituant et de l'esprit révolutionnaire qui avait pu inspirer la révolution bolivarienne, ça fait 20 ans. Et en plus, c'est carrément anticonstitutionnel, quoi. Ça n'a plus rien à voir avec la Constitution qui, précisément, dans son préambule, considère la démocratie vénézuélienne comme une démocratie participative et protagonique. Donc là, on est vraiment dans une caricature de processus révolutionnaire, hein. Quand tu parles de processus constituant, qu'est-ce que ça veut dire? Disons que le processus constituant, enfin, c'est vrai que c'est un terme, bon, ça mange du pain, disons, non? On oppose souvent au Venezuela le processus constitutif au processus constituant. Enfin, le processus constituant, c'est un peu la constitution en mouvement, disons, non? On discute les lois, on discute les règles, on discute les articles, on discute tout. Et le processus constitutif, c'est déjà le processus institutionnel où plus rien ne se débat, où tout est décidé, où c'est les lois qui règnent, qui sont imposées, etc., etc. Et donc c'est pour ça que, disons, que ce processus constituant, ou enfin, disons, dynamique, c'est prolongé quand même durant un certain nombre d'années, on peut dire jusqu'aux années 2008, 2007, 2006, et après, ben, il a dérivé vraiment vers une évolution bureaucratique ou bureaucratisante qui nie toutes ces premières années, disons, de débats permanents au sein du processus de transformation, quoi. Oui. Et je me demande, on a vu il y a des semaines, on a vu les images des gens qui veulent émigrer, enfin, des réfugiés économiques souvent, politiques, qui partent au Brésil, qui partent en Colombie. Tout à fait. Néanmoins, il y a encore beaucoup de gens qui sont à l'intérieur du pays. Bien sûr. Comment est-ce qu'on survit, en fait, pour l'instant? Disons que la survie, effectivement, c'est vraiment le terme, hein, ce que tu utilises. Enfin, c'est vraiment une survie pour des millions de Vénézuéliens. Et ça explique qu'il y ait aussi beaucoup de centaines de milliers, sinon des millions, de Vénézuéliens, surtout des jeunes de couches populaires, qui essayent de fuir la crise parce qu'elle est tout simplement intenable. Comme je te disais, ça fait quelques minutes, enfin, on assiste actuellement à une paupérisation qui voit le salaire minimum arriver en dessous des 3 dollars par mois. Donc c'est vraiment un truc, et une inflation qui atteint, c'est même plus des 100, c'est des 1000, quoi. Mais 1000, 2000, 1 million. L'année dernière, je crois que l'inflation, elle a dépassé le 1 million de pourcents par an. Donc c'est un truc absolument hallucinant, quoi. C'est une dévaluation qui ne s'arrête pas jour après jour. Moi, j'ai voyagé, disons, ici en Europe, en France spécifiquement, au début du mois d'août. Donc ça fait un mois et demi. Les prix, d'après ce que me disent les gens, disons, que je connais au Venezuela, les prix, ils ont triplé, quadruplé, quintuplé en l'espace d'un mois et demi, quoi. C'est un truc absolument effarant. Ouais. Donc, ça explique que, d'une part, il y a tellement d'immigration, et d'autre part, tellement de pauvreté à l'intérieur du Venezuela, et des gens qui sont effectivement désespérés parce que les salaires ne servent strictement à rien, quoi. Donc, il y a énormément, bon, forcément, dans cette situation de crise tellement terrible, le marché noir, ben, il explose forcément parce qu'il y a une crise, donc tout le monde essaye de faire un peu de vivre au jour le jour. Donc ça signifie un boom, disons, du marché noir, de la spéculation, de la contrebande, des petits commerces, de la débrouillardise. Enfin, tout le monde vit un peu au jour le jour, essaye de vivre ceux qui peuvent. Vivre avec des dollars, ben ils le font parce que c'est la seule, disons, alternative pour avoir un petit peu de souffle, disons, non? Mm-hmm. Mais une situation vraiment super, super difficile, quoi, au niveau quotidien, sans compter évidemment les pénuries terribles, parce qu'un pays strictement importateur qui n'importe plus que le 20% des aliments qui sont nécessaires pour couvrir les nécessités de base de la population, ça donne forcément des catastrophes, quoi. Les gens qui se nourrissent très mal, qui n'ont pas de médicaments. Alors bon, évidemment, il y a tout le facteur de mesures économiques des États-Unis et des institutions, ou enfin des pays, disons, occidentaux, qui ont une influence, effectivement, sur cet aggravement de la situation, mais en même temps une administration de l'État absolument catastrophique, enfin inefficace et corrompue au possible. Donc entre les deux, c'est vrai que c'est vraiment une bombe à retardement, hein. Oui, parce que ça ne pourrait pas continuer comme ça. Ben disons que c'est vraiment le Venezuela un cas d'école, je dirais, parce que on se demande comment ça n'a pas encore éclaté. Il y a toutes les conditions pour qu'il y ait soit une insurrection populaire, soit des émeutes de la faim, soit un soulèvement populaire X ou Y. Mais en tout cas, bon, jusqu'à présent, effectivement, ça n'a pas éclaté. Mais bon, tout est possible, parce que dans une situation pareille, les gens ne peuvent pas, résister comme ça si longtemps, hein. C'est mm-hmm. vraiment des conditions de vie terribles qui ont signifié, par exemple, une élimination en très peu de temps de la classe moyenne, étant donné qu'il y a un processus vraiment d'appauvrissement généralisé, hein. Ouais. Oui. Yeah. de calle, de instituto, de oficina. Y con el pensamiento claro en partir la vitrina. Vamos arriba por los que murieron y no escuchan, pero sabes que su sangre es el motivo para la lucha. Por los presos inocentes, por el barrio, por mi gente, los que por pensar distinto juzgaron cual delincuente. Puño arriba, mujer, que aceptaste tu condición, porque la belleza no está en el voto ni el silicón. Que la lucha no es de sexo, ni de culo, ni de teta. Que la lucha no es por físico, es por vida del planeta. Puño arriba por los que defienden sus derechos, porque defender lo justo no es tirársela de arrecho. Por el pecho, talento nacional ya comprobado, los que sin pagar payoles suenan más que el importado. Puño arriba por el que se revela sin culillo y sabe que la solución del barrio no es jalar gatillo, ni anillos de seguridad, tampoco los cintillos van a detener al pueblo cuando apriete los nudillos. Yo no busco que me apoye, pero deja tu rencor, porque en Venezuela sacamos cara por el hardcore. No hay color cuando el sistema todo lo controla, y yo prefiero estar con puño arriba que jalando bola. Cuando yo empecé esto del rap, no supe en lo que me metía y menos en lo que me convertiría, pero hoy en día entiendo la responsabilidad que cae sobre mi espalda. Más que música, somos una secta que canta al alma. Miro en mis palmas, no dedos, sino herramientas. Golpeo paredes para drenar la rabia que me afecta. Cada vez que me codeo con esta sociedad que acepta las injusticias en sus narices sin tomar respuestas. Fue hace unos años ya cuando en Tarima vi puños al aire, señal de agradecimiento no hacia mí, sino hacia algo que solo describí. Fue entonces cuando interpreté que por alguna razón debo estar aquí frente a ti. Tú que me escuchas y compartes mi pasión, asentas con el cráneo y ves el piso al oír esta canción. Es por esta razón que mi rap no será comercial, así se llega a escuchar en qué rincón a nivel nacional. Acepto que soy un crítico amargado en esto, detesto que me comparen con alguien del resto. Demuestro que hay que dejar el alma en caverso, porque el arte sin pasión es como un sol sin universo. Converso con personas que me creen orate cuando le digo que el mundo es un ajedrez y estamos todos en jaque. He renunciado de mi antiguo puesto rapper y hoy en día soy gerente de una empresa pa' mejorarte. No trates de estorbar a Kanye, Kanye is writing lyrics to make a better world just like Mahatma Gandhi. Esto es hip hop real para que lo compartas con alguien y donde sea que te encuentres, fusiones puño con aire. Esto fue Cancerbero. NK Profeta. Scar N y NK. La pidieron. Y hoy la tuvieron. Yeah. Es un honor para mí. Y ya. Trabajar con el Can. Una de las voces más importantes de Latinoamérica. Mais il n'y a donc vraiment pas d'espoir. Ben disons, les espoirs, effectivement, qu'on moi-même, comme beaucoup de personnes qui continuent de militer, ou qui continuent de militer, on le fait toujours dans le même sens, disons, de continuer à essayer d'organiser, enfin d'appuyer l'organisation populaire, de faire vivre la démocratie participative, de faire respecter la Constitution, de défendre les droits de l'homme, de faire vivre ce qui pourrait, disons, continuer à être un processus de transformation, etc., etc. Mais on le fait forcément dans des conditions de plus en plus adverses, étant donné que les deux forces en présence sont de plus en plus agressives, aussi bien les États-Unis avec leurs mesures contre le Venezuela, que le gouvernement qui a appliqué des politiques absolument aberrantes sur les 6 dernières années, quoi, et qui signifie évidemment un appauvrissement de la population généralisée. Donc une alternative, oui, forcément, disons que c'est ce qu'on espère, et c'est pourquoi on travaille, on continue de travailler, on continue d'espérer. Parce que c'est un pays qui a un peuple très jeune, qui a énormément de ressources naturelles, qui a quand même des milliers de professionnels très bien formés, qui maintenant malheureusement se retrouvent presque tous à l'extérieur, qui est un pays qui a des potentialités impressionnantes, mais qui donc a été vraiment pillé, on peut dire, et détruit par une dirigeance aussi bien politique qu'économique qui n'a vécu vraiment que sur la base du rentisme pétrolier et extractiviste. Alors espoir, oui, bah il faut garder l'espoir. On peut pas, ceux qui vivons à l'intérieur, il faut qu'on continue, surtout si on milite, disons, par rapport à, ou en faveur de la transformation sociale, de certains principes, de l'organisation populaire, de l'autogestion, du socialisme, etc. Bon, forcément qu'on continue à travailler dans ce sens, hein. Mmh. Et on espère que à partir de la base, disons, des organisations populaires, des syndicats, des conseils communaux, des associations, etc., on arrive, disons, à lutter de manière efficace contre tout ce désastre, disons, qui est en train d'arriver. Mais bon, c'est pas facile, c'est un pari, hein, mais tous les paris historiques sont très difficiles à tenir. Mm-hmm. En ce moment, ouais. Venezuela, plus que dans d'autres pays. Ouais, c'est, non, c'est sûr que si on reste dans ce modèle économique complètement parasitaire et complètement importateur, on va pas sortir du gouffre, ça c'est évident, hein. Ça c'est un truc, c'est si le pays ne se développe pas, ne s'industrialise pas, tant qu'il y aura ce seul modèle, disons, dominant, c'est impossible qu'on sorte de la crise économique, ça c'est, ouais, sûr, ouais. Malheureusement. Ouais. Là, je coupe dans le truc, hein, s'il faut. Oui. Je voulais juste dire, de quoi est-ce que tu veux encore discuter ? Parce que là, j'ai l'impression d'avoir fait le tour. Mm-hmm. Pour l'instant. Il y aura encore beaucoup de choses à aborder, disons, mais je pense qu'on ne peut pas non plus. Enfin, après, si on parle de chaque sujet, on s'étendrait beaucoup, disons, non ? On peut aussi revenir par après, oui, pour faire d'autres émissions. Oui, oui, tout à fait, oui, tout à fait. Ouais. Je ne sais pas si ça peut se faire. Je ne sais pas aussi le temps dont tu disposes. Je ne sais pas l'heure qu'il est, si toi tu vas partir à 7h30. Je dois partir dans un quart d'heure. D'accord. Donc, si tu veux, on a encore un peu de temps, mais d'accord, on peut toujours aussi refaire des choses. C'est juste que je me suis dit, là, maintenant, je pense que c'est plus ou moins clair. D'accord. Ce qui serait bien, c'est de mettre sur notre blog ou de le dire dans l'émission, les gens qui veulent s'informer, mm-hmm, sur la situation. Parce que, mm-hmm, c'est compliqué de l'extérieur de trouver les bonnes informations. Oui, oui, tout à fait. Oui. C'est toujours d'un côté ou de l'autre. Oui. Est-ce qu'il y a moyen, oui, d'accéder à des informations ? Bien sûr, oui. Ben, il y a quelques sites internet d'actualité, mais ils sont... Bon, premièrement, ils sont bloqués par le gouvernement. Enfin, ils sont sabotés par le gouvernement. Mais à l'extérieur, on peut les... Moi, je les consulte tranquillement ici en Europe. Donc, il n'y a pas de problème. Oui, on peut citer quelques sites web. Pourquoi pas? Ça sera intéressant. Ouais, okay. Donc, si tu veux, on peut le faire, oui. Oui, bah, tu connais par cœur ou... Oui, oui, tout à fait, oui. Ouais, tout à fait. D'accord, ah, mais je le dis pas alors. Aussi, tu peux le dire. Hein. D'accord, ok. Mais comme ça, je suis sûr d'avoir bien compris. Et comme ça, je peux mettre le lien sur le blog aussi. Voilà. Ce qui serait bien aussi, je ne sais pas si on doit faire ça maintenant, c'est d'avoir un exemple, mm-hmm, d'un quartier, par exemple, il y a un projet dans un quartier, et de parler plus concrètement du projet, des problèmes autour du projet, ça donne, ça donne, oh, une, oui, vision de nouveau complètement, oui, différente sur la question. Oui, oui, oui, tout à fait, oui. Oui, ben ça, on peut le dire très rapidement. Enfin, oui, dans mon quartier, par exemple, oui, en l'occurrence. Qu'est-ce qui se passe dans ton quartier ? Mais par exemple, il y a beaucoup d'exemples, hein, mais on a par exemple deux exemples très concrets par rapport à au travail, disons, d'opposition entre les... Là, c'est vrai qu'on entre vraiment dans un terrain un petit peu plus micro-local, donc il faudrait peut-être un peu s'étendre. Mais bon, entre le travail de ces fameux CLAP, qui sont ultra autoritaires et ultra corrompus finalement, et les conseils qui gèrent, communaux. Qu'est-ce qui rentre dans les quartiers comme nourriture? Voilà, c'est surtout par rapport à l'alimentation, parce que la gauche autoritaire, elle a beau dire qu'on a un blocus complet des États-Unis, n'empêche que tous les aliments qui sont vendus à des prix subventionnés par l'État, ils viennent tous de l'étranger. Enfin, à un 80%, tu vois. Donc, ils viennent du Chili, ils viennent du Mexique, ils viennent du Brésil, ils viennent des États-Unis, ils viennent de la Turquie, ils viennent de la Bolivie. Enfin, ils viennent de tout le monde, de tous les pays. Justement parce que la production au Venezuela, elle était complètement détruite. Mais ça remet aussi en question, disons, un peu le mythe du blocus économique, tu vois. Parce que, bon, quand même, s'il y avait un blocus total, tous ces produits n'arriveraient pas. Et donc, ces CLAP, donc c'est une organisation de base créée de toutes pièces par le parti au pouvoir. Il a l'omnipotence ou l'omnipouvoir de décider de tout sur le quartier, à qui il donne, parce que c'est des caisses ou des sacs de nourriture qui sont distribués ou vendus à prix subventionné tous les mois, mais en fait dans les faits ça arrive tous les mois et demi ou tous les deux mois, donc c'est hyper irrégulier. Et ils ont très peu d'aliments, enfin, ça peut nourrir une famille deux jours ou trois jours. Donc sur le mois et demi, tu vois, ça ne représente rien. Mais donc même comme ça, le CLAP du secteur, ça peut être, je ne sais pas, ça peut représenter 1000 personnes, 1500 personnes, il va décider à qui il le donne, à qui il ne le donne pas. Donc en général, dans les quartiers populaires, il le donne à presque tout le monde, mais pour essayer de grappiller des caisses, tu vois, pour ensuite les revendre au marché noir, les responsables du CLAP décident « Ah ben non, à toi je te le donne pas parce que tu es parti en Colombie un mois, à l'autre parce que il vit plus dans ce quartier, à l'autre parce qu'il a protesté, il a tapé sur des casseroles pour protester contre le gouvernement. » Donc n'importe quel prétexte est bon, et le fait est que c'est eux vraiment de manière arbitraire qui décident à qui ils donnent les aliments, à qui ils les donnent pas. C'est quand même un truc, mais hyper arbitraire, quoi. C'est intolérable. Mmh. Et ensuite, ils ne tiennent absolument pas en compte ni l'Assemblée des citoyens, qui existait dans le Conseil communal, ni le Conseil communal lui-même. Donc, et nous, par exemple, dans notre quartier, on inclut, disons, à peu près 2000 personnes. Donc, 700 familles. On a essayé justement de faire un suivi des opératifs alimentaires pour contrôler justement toutes ces choses et toutes ces mauvaises administrations, et le CLAP il nous a écartés, enfin bon, ça a été absolument arbitraire et totalement intolérable tout ce qu'ils ont fait. Et donc, résultat des courses, on n'a absolument aucune manière de contrôler ce que fait le CLAP, tu vois. Ni de leur demander des comptes, ni qu'ils assistent à des assemblées pour se justifier face aux citoyens, ni de recevoir toutes les dénonciations des voisins qui ne sont pas du tout contents du service, etc., etc. Donc ça, par exemple, c'est un truc qu'on vit sur le terrain, tu vois, cette arbitrarité permanente. Ensuite, nous, ça fait par exemple trois périodes qu'on a déjà eues au sein de notre conseil communal, c'est-à-dire par la loi des conseils communaux, les porte-paroles du conseil communal doivent être réélus tous les deux ans. Nous, on a déjà organisé les élections trois fois de suite, c'est-à-dire sur 6-7 ans, disons. Non, et pendant la période antérieure, enfin, moi, j'ai toujours fait partie d'un conseil communal. J'ai été assez fort dans ce truc, je l'ai beaucoup fait, de faire le suivi pour l'exécution d'une œuvre dans l'école qui est dans notre quartier, tu vois. Oui. Parce qu'il y avait une œuvre de réhabilitation d'école, donc il y avait quand même eu un gros budget qui avait été approuvé. Et donc, pour que l'œuvre soit vraiment bien exécutée, On avait créé un comité de suivi pour voir si tout était, se mettait en place, s'il n'y avait pas d'argent qui se perdait, si la construction allait bien se faire et tout et tout et tout. Résultat des courses, on ne nous a jamais, absolument jamais permis, disons, la supervision de l'œuvre. L'entreprise exécutante, elle s'est barrée avec l'argent qui devait être remis au conseil communal, parce que c'est une loi, disons, quand une entreprise exécute une œuvre, il doit laisser le 5% de l'équivalent de l'œuvre dans une œuvre de bénéfice social, disons. Donc ils se sont barrés avec notre fric. Et résultat des courses, là, ils ont laissé l'œuvre à moitié faite. Donc ils ont laissé, enfin c'est une catastrophe ce qu'ils ont fait dans l'école, ouais, tu vois. Ouais. Et donc on a dénoncé ça, on s'est pris le bec avec le ministère d'éducation, avec l'entreprise, avec le syndicat, avec les autorités de l'école, et on n'a jamais eu gain de cause. Donc c'est ces exemples concrets qui montrent bien un peu qui illustrent ce que je disais, c'est-à-dire une totale opposition ou enfin dichotomie entre des autorités, un processus bureaucratique et le pouvoir populaire dans la rue qui est complètement, marginalisé des décisions politiques, tu vois. Donc bon, ça c'est des trucs, bon, enfin il faudrait plus de temps pour l'exposer, tu vois. Mm-hmm. Donc mais j'aimerais bien le faire à l'occasion, franchement. Bien sûr, ouais, si tout à fait, oui. En attendant, bon, je t'ai mis les oui, le site. Ouais, et c'était quel site? Un des sites, c'est Aporrea, c'est un des plus regardés, un des plus consultés, qui en fait a été créé vraiment au début du processus bolivarien dans les années 2002. Exactement 2002, quand il y a eu la tentative de coup d'État contre Chavez. Ouais. Donc ils existent depuis 15 ans, quoi. Depuis 17 ans. Donc ça, c'est une des pages de cette organisation, Aporrea, c'est celle-ci, Aporrea, aporrea.org. qui est très très consulté et qui est depuis des mois bloqué ouvertement par le gouvernement, c'est-à-dire la majorité des usagers qui sont connectés au réseau du gouvernement, ils ne peuvent pas consulter cette page alors qu'elle a énormément d'actualités et d'articles indépendants. Et donc bon, c'est pas un hasard, hein, je veux dire. Donc là, évidemment, ils ont leur nombre de lecteurs a chuté parce qu'ils... Les gens, pour pouvoir accéder à ce site, ben, il faut qu'ils aient un serveur indépendant du gouvernement, c'est-à-dire privé. Donc évidemment, ça leur a enlevé beaucoup de lecteurs. Et après, il y a un autre site qui est moins lu, c'est Punto de Corte. Oui. PuntoDeCorte.com, je crois. Enfin, en tout cas, c'est je travaille pour eux, je leur fais des illustrations, des caricatures. En général, anti-gouvernemental, toutes les semaines. Et donc, là aussi, c'est un autre type d'actualité. Enfin, c'est des nouvelles beaucoup plus courtes, des reportages, des trucs comme ça. Mais qui est aussi une page très indépendante et qui a beaucoup, beaucoup de dénonciations contre toutes les actions qui sont menées, disons, quotidiennement. Et évidemment, Provea, qui a aussi sa page, alors je ne sais plus si c'est provea.org, il faudrait que tu cherches, oui. Qui est donc une des organisations de défense des droits de l'homme les plus respectées actuellement, qui publie aussi beaucoup, beaucoup de, là, clairement, des comptes rendus et tout ça par rapport aux violations des droits de l'homme au Venezuela. Oui. Moi, je dirais que c'est trois des trucs qui peuvent être... Parce que les autres, il y a aussi pas mal de sites web qui sont très critiques, mais qui sont carrément... Enfin, c'est de droite, quoi. Enfin, c'est plutôt cette droite traditionnelle qui a d'autres intérêts, disons. Donc, je pense pas que ça soit très, très utile de les nommer, quoi. OK. Les anarchistes comme tels, ils ont pas... Il y a El Libertario. Pourquoi pas, on pourra aussi le noter. El Libertario, le libertaire. Ouais. Ouais. El Libertario. Alors eux, par contre, c'est surtout des articles. Il n'y a pas de nouvelles d'actualité, quoi. C'est plutôt des trucs de fond, tu vois. Et je crois que c'est un blog. Enfin, il se renouvelle pas trop, quoi. Oui, oui. Donc c'est plus des articles de réflexion, des articles d'opinion, des trucs comme ça. Mais c'est pas de l'actualité, disons. Tu vois. Mais pourquoi pas, on peut aussi le oui, bien ouais, sûr. C'est ouais, ça c'est intéressant. Ouais, tout à fait, tout à fait. Vous avez des radios aussi? Ben il y a eu, c'est pareil. Enfin, à partir des années 2002-2003, il y a eu tout un boom de radios alternatives. Dont la radio alternative Tamunanga Libre qu'a connu Gaëtan, et c'est par cette radio en fait qu'on s'est connu. J'ai connu Gaëtan en, je sais pas, c'était 2006, je crois qu'on est en train de calculer l'autre fois. Donc on s'est connu par l'intermédiaire d'une radio alternative, et à cette époque là on peut dire entre les années 2002-2003 jusqu'à 2007-2008, il y a eu vraiment un boom, surtout des radios alternatives et des radios communautaires. Mm-hmm. Ça pullulait, quoi. C'était un truc, il y a eu plusieurs essais d'articulation, de fondation, qui regroupaient des dizaines de radios sur tout le Venezuela. C'était vraiment un mouvement super important, quoi. Et puis là, à nouveau, ça s'est complètement bureaucratisé, parce que Conatel, donc le Conseil National de Télécommunications, a complètement absorbé toutes les radios, leur a imposé vraiment des règles hyper strictes, leur a donné un fric fou et des transmisseurs et des équipements et des trucs machin, mais c'était des fondations, donc ça permettait l'intervention et la confiscation des biens à n'importe quel moment, si la radio ne faisait pas strictement ce qu'exigeait l'État. Et donc, c'est ce qui est arrivé à partir des années 2010, tu vois. L'État a commencé à intervenir, à pourchasser, à démanteler. Actuellement, cette radio dont je te parle, qui n'est pas à Caracas, mais à l'occident du pays, ça fait peut-être 2 ans qu'elle n'existe plus, elle n'est même pas à l'air, quoi. Donc, tous les équipements sont cachés, voilà, quoi, tu vois. Et ça a été le sort de dizaines de radios, quoi. Mm-hmm. Parce que bon, forcément, quand tu dis radio, communication, tu dis expression libre. Donc, étant donné qu'il y a une telle répression actuellement, ça ne convient absolument pas au gouvernement. Ouais, moi, je coïncide absolument avec beaucoup de gens qui considèrent le régime actuel comme une dictature du 21e siècle, qui a donc toute l'apparence de la démocratie avec des élections, des machins, des trucs. Mais qui sont c'est du pipeau en fait, c'est pas vrai. Oui. Les élections, elles sont pas truquées, ils sont quand même super habiles, c'est-à-dire ils n'arrivent pas à, par exemple, à frauder. C'est-à-dire le Conseil National Électoral, il est automatisé, tout est nickel chrome, c'est super, tu sais, ils y emploient les formes, mais avant et après les élections, ils font tout pour gagner les élections, quoi, tu vois. Donc, c'est vraiment un régime complètement dictatorial. Ouais. Et quand tu penses qu'il y a 18 000 exécutions extrajudiciaires, c'est-à-dire mises à mort, c'est-à-dire c'est un truc hallucinant, quoi. Et c'est des chiffres reconnus par l'État devant la pression de l'ONU, Michel Bachelet, etc., etc. Mais c'est sûrement beaucoup plus. Oui. Tu as des massacres. Le dernier massacre, ça fait peut-être, je sais pas moi, 2 mois dans une prison. Il y a eu 60 morts, un truc comme ça. Des gamins qui se sont fait calciner, tirer dessus. Enfin bon, c'est un truc, c'est hallucinant, quoi. Mm. Moi, dans mon quartier, dans ma rue, maintenant, c'est pratiquement monnaie courante. Des rafles de la police, ils rentrent dans les maisons, ils rentrent comme dans du beurre, quoi. Ils font vraiment ce qu'ils ont envie de faire, quoi. Ils font tout ce qu'ils veulent. Donc au niveau des droits de l'homme, c'est vraiment limite, quoi, tu vois. Les gens, ils ont vraiment peur, il y a un état de terreur généralisé, mm-hmm, qui fait que l'organisation populaire, ben, elle peut pas exister, c'est pas possible. Moi par exemple, je suis depuis toujours, j'appelle les gens à se mobiliser, à faire des assemblées, à dénoncer, à faire des conférences de presse, etc., même dans la rue. Maintenant, personne ne me suit, hein. Je suis seul, donc je ne vais pas être comme un con tout seul à dénoncer. Donc ben, on ne dénonce pas. Et ça peut aller d'une situation comme l'école dont je t'ai parlé, où il y a eu quand même des millions qui ont été volés par les institutions ou par une entreprise, jusqu'à des trous qui ne sont pas réparés, qui sont là depuis des années, et qu'on essaye de réparer, que l'État répare et qu'il ne répare pas. Donc, n'importe quelle situation, tu ne peux pas la dénoncer parce que les gens, ils ont peur. C'est quand même assez, c'est quand même assez fort en chocolat, comme on dit. Donc, ouais. Ben, merci Samuel. Ben, merci Hans. Merci de me donner cette opportunité. On restera en contact, on prendra des nouvelles. Tout à fait, tout à fait. Oui, s'il y a l'opportunité de faire un programme comme ça avec des témoignages, tu me fais signe. Quoi. Oui, moi, je l'organise là-bas sans problème. C'est une question d'organisation, c'est tout. Génial, génial. Oui, oui, moi, j'ai pas. Au niveau. Si tu veux, je te donne même mon numéro de téléphone parce que. Pour vivre en société, il faut qu'on apprenne à se tolérer, qu'on retrouve un peu d'humanité. Quel que soit ton pays, ta couleur, on apporte tout sur tes rois au bonheur. Et quel que soit ton...